Well, je l'ai connu là là en twistant le ya ya. Il m'a dit peux-tu le bien danser avec moi. Simon que j'ai mis c'est qu'il m'a quitté depuis. Depuis ce jour j'entends sans fin. Du souvenir n'en finit plus de gémir. Well, je l'ai connu là là en twistant le ya ya. Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là. J'attends son retour en espérant nuit et jour. Cœur est blessé, je ne peux plus l'oublier. Je l'ai connu là là en twistant le ya ya. Mon cœur est bien là là, mais il attendra là. J'attends son retour là, mon peine et le cœur lourd. Je l'ai connu là là en twistant le ya ya. Et il m'a dit, peux-tu le bien danser avec moi. Simon que j'ai mis, c'est qu'il m'a quitté depuis. Et Simon que j'ai mis, c'est qu'il m'a quitté depuis.